Classic soy. On poursuit donc ce qu'on a appelé arrêter la bien-croix. On a commencé en disant que le métabolisme peut être vu selon deux aspects. Un aspect qualitatif, c'est-à-dire l'étude des enzymes, donc la qualité des enzymes, la composition, on est censé disposer de la même qualité enzymatique. Quant à la quantité, c'est un autre problème. D'accord ? On parle donc d'une numération en disant qu'on a des enzymes, on s'est arrêté à la phase 1, on a parlé de la cytochrome P450, c'est-à-dire le système des mono-oxygénases, en citant le fait que c'est le système enzymatique le plus important de la phase 1. On a survolé les flavines en disant qu'ils n'interviennent pas beaucoup, et on a parlé un peu d'une enzyme très particulière qui joue un rôle très important, c'est l'époxyde hydratant. On est passé donc aux enzymes toujours qualitativement de la phase 2, et on avait parlé de la glucuro-conjugaison en citant le fait que c'est le mécanisme le plus important de la phase 2. C'est-à-dire qu'il y a les monooxygénases et les glucuro-conjugaisons. Ça, c'est le plus important. Mais dans ce cas, on avait dit que dans la phase 2, il y a un système de transport, l'enzyme, et contrairement aux aux enzymes de la phase 1 qui interviennent directement, le système enzymatique de la phase 2 nécessite une matrice. Les enzymes ne jouent le rôle que de taxi, de transporteur. On a parlé des glucuronyles transférases qui ont besoin de l'UDPGA, c'est-à-dire l'uridine diphosphate acide glucuronique, comme matrice, qui permet de transformer une molécule peu hydrosoluble en une molécule très hydrosoluble. Je vous ai montré l'exemple du phénol, il y avait un OH, et le 1 OH se transformait en 4 à 5 OH, donc on augmentait l'hydrosolubilité. Il fallait faire attention, contrairement, puisqu'on en a parlé pour ne pas nous répéter, que ce mécanisme subissait, selon le PM, une double élimination. Une élimination rénale si le PM était inférieur à 300 ou 250, d'accord, puisque j'ai dit 300, on retient 300, et que ce dernier pouvait être éliminé par la bile si le PM était supérieur à 300, sauf que l'élimination n'était pas parfaite, puisque cette molécule subissait un cycle entéro-hépatique. On s'est arrêté là, et j'ai commencé sans dicter qu'il y a un deuxième système. Pourquoi il n'est pas aussi performant que le premier? C'est l'abondance de la matrice. Là, on transforme notre molécule sous forme de sel. Vous savez très bien que les sels sont solubles dans l'eau. Et là, donc, ce n'est pas des OH qui sont fixés, c'est des groupements sulfatés. Et la matrice, le coenzyme, étant le PAPS, phosphoadénosine phosphosulfate, qui permet d'enlever ce PAPS, on enlève le sulfate et on le fixe sur la molécule qui est peu hydrosoluble pour transformer donc cette molécule en sel hydrosoluble facilement inimable. Si elle n'est pas aussi performante, c'est que la matrice n'est pas abondante et qu'elle dépend des apports. On est bien d'accord ? On s'est arrêté, c'est pour faire un peu l'étude comparative. Donc vous avez mis toujours dans l'étude qualitative, vous avez mis dans la phase 2 la glucuro, maintenant c'est la sulfo. Dans la sulfo, vous notez que l'enzyme est dans la sulfotransférase. L'enzyme, c'est la sulfotransférase. Et le coenzyme, c'est la phosphoadénosine phosphosulfate. N'oubliez pas, l'enzyme n'est pas faire beaucoup d'efforts pour retenir. nous avons un support du transférage, du bureau transférage. C'est pour ça que ça se passe. Vous n'y êtes pas trop aussi. Et vous ne dites surtout pas que le siège, est-ce que vous allez à un siège du siège normal, un siège, vous allez à un siège, vous allez à un siège, vous allez à un siège, vous allez à un siège, vous allez à un siège, vous allez à un siège, vous allez à un siège, vous allez. C'est la phosphoadénosine, phosphosulfate. Et là, je n'ai pas à détailler, contrairement, l'illumination et l'urinaire. D'accord ? Elle n'est pas, c'est pas par la vie, donc c'est, elle est hydrosoluble, il n'y a pas de poids moléculaire, il n'y a rien du tout, donc l'illumination et urinaire. Là, je vous demande s'il vous plaît de suivre quelque chose avant de prendre note. J'ai choisi encore deux autres mécanismes qui appartiennent à la phase 2, qui sont un siège cytosolique. Mais pour revenir au premier mot que j'ai cité en disant que le métabolisme est aveugle. Très bien. Il est aveugle, il fait du copier-coller. Là, je prends deux mécanismes, la méthylation et l'acétylation. Vous prenez pas, vous n'avez rien à prendre, il y a un truc, suivez-moi, c'est important. Là, il y a une méthylation. L'enzyme, c'est une méthyl transférase. Sauf que maintenant, le donneur, il faut prendre un groupement méthyl. On est bien d'accord? C'est-à-dire, prendre, mais il peut prendre d'où? De la méthionine. La méthionine est un. C'est un acide aminé. Il a comme qualité particulière, il est riche. Non. Très bien. Il est riche en groupement SH, sulfhydryl. Vous rappelez de thiolocryl. C'est un acide aminé qui est très riche en trop. C'est vrai qu'il a des CH3, mais il est très riche en groupement SH. Et il a la particularité, il a l'étiquette de dire qu'il est un acide aminé hépatoprotecteur. C'est-à-dire qu'on peut mesurer l'indice de gravité du lactate hépatique en faisant des acides aminés, tout particulièrement la méthionine. D'accord ? C'est lui qui protège un peu le corps de toutes les agressions. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous me suivez ? On a une molécule. On prend sur cette molécule, on enlève. J'enlève le CH3, d'accord ? D'un acide aminé, et je le fixe sur mon médicament. Est-ce que j'ai augmenté l'hydrosolubilité ? Non. Le CH3 n'augmente pas, il faut des OH. Mais en enlevant le CH3 de la méthionine, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui arrive à la méthionine ? Elle ? Vous prenez une molécule, d'accord ? C'est notre camarade. Et je la donne pour la zéro. Oh. J'ai enlevé ses cheveux, j'ai enlevé son bateau, j'ai vu dire quoi? J'ai bien assuré, j'ai changé, donc c'est plus de la méthionine. J'ai bien assuré, donc en fin de compte, j'ai plus de méthionine, donc j'ai dégarni mon foie d'un élément hépatoprotecteur. Si au moins, en le dégarnissant, j'ai pu augmenter l'hydrosolubilité, je l'ai pas fait. Non seulement j'ai enlevé ce qui me servait d'armure, et deuxièmement, je n'ai pas augmenté. Qu'est-ce qui s'est passé en fait pour ma molécule ? J'ai augmenté quoi ? Sa liposolubilité. Et de ce fait, j'ai augmenté quoi ? Le passage dans le foie. Non, il est déjà dans le foie, dans le métabolisme. J'ai augmenté quoi ? Le risque. Quelque chose de plus simple. Des mots-clés que je cesse de répéter. Sa diffusion. Non. Sur l'affinité, on ne parle pas d'affinité, on ne sait pas ce qui va en être. Non. Si j'ai augmenté sa liposolubilité, j'ai augmenté systématiquement son métabolisme. Son retour. Là. Son élimination va diminuer. Et oui, c'est ça. Distribution. Non. Un mot. Qui caractérise. Le cycle. Non, pas obligatoirement. C'est en train de devenir. Mais c'est un critère indispensable, je vous ai toujours dit. Que quel que soit, c'est des mots-clés. Si vous ouvrez le vidage, si vous avez un temps de demi-vie, vous ne pouvez pas savoir, parce qu'il n'est jamais indiqué dans le vidage, ou là dans des bouquins. Donc, vous ne trouverez jamais qu'on vous dise que c'est une molécule liposoluble. Vous ne trouvez pas ce terme. Mais vous pouvez le caractériser par son temps de demi-vie. Son temps de demi-vie, s'il est long, s'il est. Non, si cette molécule reste très longtemps dans l'organisme, et de ce fait, si elle reste très longtemps, elle ne peut être que liposoluble. C'est ça les mots-clés qu'il faut. Normalement, quand on dit ça, c'est tac. Il faut qu'il y ait un enchaînement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je demande à mon organisme, comment il l'a fait en fait pour dans ce sens, pourquoi la méthylation s'est faite? Parce qu'il a des enzymes. J'ai dit qu'elle est aveugle. Et on avait dit que ça fait du copier-coller. Donc, tu le copies, la copie sur quoi? Sur un système enzymatique endogène. Lequel? Cours de physiologie. Système nerveux autonome. C'est si loin que soi. Oui. C'est pas si la vision. Non, elle a vu système nerveux autonome. Vous avez pas c'est la première année. Ah, très bien. Le système Kant. Quoi? Vous savez très bien que la noradrénaline est vitaminisée de deux façons. Par le système des MAO, monoamine oxydase, et qu'elle est vitaminisée par le système COM, catécholamine O-méthyltransférase. On a parlé et vous avez déjà vu que l'acétylcholine dans le système nerveux parasympathique était dégradée par les cholinestérases, l'acétylcholinestérase, et que la noradrénaline était soit recapturée, soit elle était pour arrêter la transmission adrénergique. Qu'est-ce qu'on faisait? Soit il y a les monoaminoxydases, soit le système le plus proche, c'est le système Kant, c'est pas bien, toutes les catécholamines qui peuvent être méthylées, méthyltransférases. C'est-à-dire que pour arrêter l'effet de la NORA, je l'ai dit, alors il faudrait qu'en méthylé, en fixé sur la NORA, la méthylnoradrénaline devient inactive, en désactivé la transmission. C'est comme ça que se fait le mécanisme endogène. Maintenant, toutes les molécules, tous les médicaments qui ont une structure, je vous ai déjà dit que la destinée biochimique d'une molécule endogène est inscrite dans sa formule. Quand il y a des groupements identiques à la NORA, il y a une méthylation qui se fait. Or, dans ce cas, dans le système endogène, je vous l'ai dit, que le créateur a fait de telle sorte que ce soit bénéfique. Mais quand on copie, on ne peut pas être parfait de copiage. À ce moment-là, la méthylation sur une molécule exogène n'a fait que quoi? Qu'augmenter la liposolubilité, et diminuer son élimination avec un risque, puisqu'elle est là, d'augmenter ses effets secondaires et de surplus, en faisant quoi? Dégrader, aboutir à une atteinte hépatique par, par consommation. Ce n'est pas le médicament qui est hépatotoxique. C'est qu'en dégarnissant le foie de son acide, le foie devient vulnérable. Puisqu'on a enlevé son armure, sa protection. On est bien d'accord? Oui. La même chose pour l'acétylation. On fait quoi? Tout simplement, on ne ramène pas un CH3, on ramène un COCH3. Et dans ce cas, on n'augmente pas, et ça se passe avec des médicaments tels que l'isoniazid, qui est un anti-tuberculeux, un traitement de la tuberculose. Et l'isoniazid, d'accord, se fixe sur quoi? L'acétylation se fait sur. Ce système est copié également sur une molécule endogène pour la désactiver. Mais dans ce cas, qu'est-ce qui se passe? on a un CTD. Est-ce qu'on a augmenté l'hydrosolubilité? Non. Mais on a utilisé quoi comme cofacteur? L'acétyl-CoA. Et l'acétyl-CoA est indispensable pour le métabolisme hépatique et plus particulièrement dans le... Le particulièrement dans le bonus auprès du charnier chimique. C'est bon, c'est quand même le troisième année, tous les deux cas des premières années. Le cycle de Krebs, merci. Et le cycle de Krebs est un cycle énergétique indispensable. Et donc, au lieu d'avoir la matrice pour le cycle de Krebs, on a dévié et on va bloquer le cycle de Krebs avec tout le système énergétique qui le suit. Donc, on n'a pas augmenté l'hydrosolubilité et on a bloqué les systèmes. Le métabolisme est aveugle. Je vous ai donné deux systèmes performants. Lucuro, Sulfo, et je vous donne deux exemples qui sont défavorables, qui n'augmentent pas, mais ils se font. Ils se font parce qu'ils se font mal, tout simplement, que copier, c'est pas toujours une bonne chose. On est bien d'accord? Oui. Quand vous notez, s'il vous plaît. La méthylation. La méthylation d'organzyme, c'est la méthyl transférase. Et le coenzyme et l'adénosyl méthionine. Coenzyme, l'adénosyl méthionine. La méthionine est un acide aminé. Méthionine est un acide aminé hépatoprotecteur. Le suivant, c'est l'acétylation. L'enzyme, c'est acétyl transférase. Pour ne pas vous embêter beaucoup sur les mécanismes, parfois on met pourquoi on met N et pourquoi on met S. C'est tout simplement que l'action se fait sur les groupements azotés et l'autre se fait sur des groupements sulfhydrylés. Ou S, soufré. D'accord ? C'est pour la fixation. Donc l'enzyme, c'est acétyltransférase, et le coenzyme étant l'acétyl-CoA. L'enzyme, c'est l'acétyltransférase, et le coenzyme, c'est l'acétyl-CoA. Vous notez que dans les deux cas, l'hydrosolubilité, a diminué. Et de ce fait, le temps de demi-vie de la molécule a augmenté. En induisant indirectement une atteinte hépatique. Indirectement, une atteinte hépatique, on a dit pourquoi? Oui, parce que protecteur. On a dégarni, voilà, de son acide aminé hépatique. Une atteinte donc hépatique et un blocage des mécanismes énergétiques. En consommant l'acétyl quoi. Et un blocage des mécanismes énergétiques. Je pense qu'on est d'accord. Oui. D'un mécanisme également aussi important, c'est la conjugaison au glutathion. Que l'enzyme est en mutation transférase. Sauf que maintenant, il y a une particularité. La particularité, oubliez, il n'y a rien à prendre sur la planche. Les auditeurs n'ont rien à voir avec ça. La particularité, c'est qu'avant, on prenait une partie de la molécule. D'accord ? Cette fois-ci, c'est toute la molécule qui intervient, ce qu'on appelle, c'est maintenant, pour le glutathion, c'est un cofacteur, c'est plus une coenzyme. C'est le glutathion qui intervient. Le glutathion également est quoi ? Est un élément qu'on trouve beaucoup à quel niveau ? Toujours au niveau du foie, au niveau centronodulaire, il est très riche. Et cet allié permet de faire quoi ? La même chose, de protéger le foie des atteintes. Vous me suivez avant de dicter, s'il vous plaît ? On a constaté, je vous donne un exemple très simple, qu'on connaît tous, qu'on a tous ingéré au moins une fois jusqu'à ce jour-là, c'est le paracétamol. Mm-hmm. Si vous ne savez pas, le paracétamol est sur le plan d'effet secondaire. Dangereux ? Somnolence ? Cancérigène. Non, non, non. Donc, on nous chèque. Pas de problème. Il n'est pas. Il est hépatotoxique. Ah, d'accord. En effet secondaire, on des premiers. Quand on prend une forte dose de paracétamol, Angie. Je vais schématiser. À forte dose, vous prenez le Vidal, à forte dose, le paracétamol est hépatotoxique. D'accord ? On le verra dans un cours après. On a essayé de faire la relation entre l'hépatotoxicité du paracétamol et la présence et l'activation des glutathions. Le paracétamol, à faible dose, il n'y a rien, comme tous les schémas. Et on atteint une dose maxima où il y a des effets qui sont irréversibles. L'atteinte hépatique pour le paracétamol aboutit carrément à la greffe hépatique. La destruction du foie est irréversible. Et on a essayé de voir l'évolution des glutathions. Les glutathions ont un schéma inverse. Vous avez des teneurs en glutathion, ce qu'on appelle des réserves. Et au fur et à mesure que vous augmentez, ou que la concentration du paracétamol augmente, il y a un effondrement des réserves en glutathion. Et ça, c'est la limite. Au-delà de cette limite, l'effet devient irréversible. Maintenant, cette courbe, je l'ai mise de façon un peu homogène. Mais tout dépend des réserves de chacun de nous. Les réserves peuvent commencer à ce niveau-là. Et vous constatez, si quelqu'un a des faibles réserves en glutathion, déjà à des concentrations très faibles en paracétamol, l'effet ou l'atteinte de l'effet irréversible va aboutir plus rapidement par rapport à quelqu'un qui a des réserves plus importantes. Pourquoi je donne le paracétamol ? Eh bien, les glutathions, pardon ? Le paracétamol est éliminé par la glutathion ? Non, il n'est pas éliminé. Il est tout simplement désactivé. Il désactive quoi ? En fin de compte, et ça on va en parler en fin de cours, c'est que le glutathion intervient quand on a des produits très réactifs, dangereux. Tels que, on a parlé déjà d'un élément, on avait dit des dérivés époxydiques. On avait l'époxyde hydratase qui neutralisait carrément l'époxyde pour le transformer en une structure hydrosoluble. Le métabolisme du paracétamol, quand on le prend à faible dose, il y a un métabolisme qui est formé, mais qu'il est systématiquement neutralisé par les glutathions. Donc l'effet, on ne le perçoit pas. Vous vous rappelez quand j'ai dit, quand j'ai parlé pour la première fois en pharmacologie, vous prenez le Vidal, on prend là tous les effets secondaires, sauf que ce sont des effets secondaires qui cliniquement ne sont pas perceptibles. on a des mécanismes correcteurs, on ne les voit pas. Si ces mécanismes, c'est comme une balance, si maintenant on a un défaut du mécanisme correcteur, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Les effets secondaires apparaissent. Sinon, quand les mécanismes correcteurs sont dépassés, vous en avez, mais quand on prend de trop fortes doses, comme dans le cas du paracétamol, on a un dérivé qui est très réactif, et si le système d'évitation est dépassé, et bien on peut aboutir à un effet secondaire qui est irréversible. On le voit, j'ai dit, et on inhale tous ce qu'on appelle les HAP. Les HAP, c'est des hydrocarbures aromatiques polycycliques. C'est tout ce qu'on respire quand il y a le fameux bus Tata qui passe à côté. Vous avez vu le bus Tata? Oui. Hein? Un peu plus Tata. Très rire, il y a un peu très rire. Vous avez vu? Ça, c'est ce qu'on appelle les HAP. Ce sont des particules qui sont cancérigènes qu'on respire tous dans le cadre de la pollution. Mais pour heureusement, il y a de temps en temps, on corrige ce système. Les glutathions interviennent pour corriger, ils corrigent donc beaucoup plus. D'accord ? Ils ont été conçus pour corriger, parce qu'ils existent en petite quantité, corriger les déficits ou les défauts des molécules endogènes. Mais les molécules exogènes ne sont pas contrôlées. On en ramène avec l'alimentation, avec l'air qu'on respire, avec les médicaments qu'on prend, avec tout ce qu'il y a autour, et souvent, il y a, on arrive à avoir beaucoup plus. Maintenant, on entendait, il y a des années, on entendait rarement, encore il y a, vous demandez à vos parents, un quart de siècle, 25 ans, rares étaient les cancers du tube digestif. Maintenant, les cancers du tube digestif sont fréquents. La même chose avec le cancer du sein. Le cancer du sein est issu de ce qu'on appelle de la formation du stress oxydatif. Et bien, le stress oxydatif, quand il y a une hyperproduction d'une molécule endogène, elle peut donner naissance à des molécules qui sont intermédiaires, mais qui ne sont pas corrigées. Elles ne sont pas censées se former. Et elles se stabilisent dans une étape là où il ne faut pas. Mais elles deviennent cancérigènes. Si le mécanisme correcteur, soit par les époxydes, soit par le système de glutathion, ne corrige pas cette molécule, et bien, si on a une qui est formée et qui devient stable, vous avez la chaîne de ce qu'on appelle du processus carcinogène qui est développé. Parce qu'il faut affecter une cellule, une. Dès qu'on a une cellule, la multiplication se poursuit. D'accord ? Voilà le rôle des glutathions. Sauf que maintenant, contrairement aux autres, c'est carrément le glutathion qui intervient, ce n'est pas une partie. D'accord ? On est d'accord sur ça ? Donc vous notez, s'il vous plaît, que catalysé par le glutathion, l'enzyme et la glutathion transférase, l'enzyme et la glutathion transférase, et le cofacteur étant le glutathion. Et le cofacteur étant le glutathion. Ce système permet de neutraliser essentiellement. Ce système permet de neutraliser essentiellement. Des molécules réactives. Des molécules réactives. Exemple, des hydrocarbures aromatiques. Exemple, des hydrocarbures aromatiques. Et certains métabolites, vous mettez entre parenthèses, paracétamol. Et certains, donc permet de neutraliser certains composés réactifs. Exemple ou tel les hydrocarbures aromatiques et certains métabolites de médicaments. Je vais vous demander de mettre en parenthèse. Il y a d'autres, on va les voir. Le paracétamol. On a vu dans l'introduction. Troisième point, On a vu donc dans l'introduction et on a vu en grand 2 l'aspect qualitatif. L'aspect qualitatif, quelles sont les enzymes? On a vu la majorité. Je tenais à vous dire, j'ai oublié, mais on va en parler tout à l'heure, d'accord, sur un problème. Je vais citer quelques enzymes. Maintenant, on passe à l'aspect quantitatif. Si on avait dit que l'aspect qualitatif était une étude des enzymes qui intervenaient dans le métabolisme, c'est ça? Maintenant, l'aspect quantitatif, c'est quoi? C'est la vitesse. On ne peut pas évaluer la quantité d'enzymes, mais on va évaluer la quantité d'un médicament qui peut être dégradé par unité de temps. On va faire des cinétiques enzymatiques. Pour cela, la question va se poser, pourquoi elle métaboliserait plus rapidement que moi? En fin de compte, l'étude qualitative, c'est l'étude de quoi? Pas des enzymes. La vitesse. Mais plus exactement. Il y a un terme avant, pas la vitesse. Mais pourquoi vous, vous allez métaboliser plus rapidement? Chacun. Donc il y a des spécificités, il y a des facteurs. Il y a des critères, il y a des éléments qui font que cette population va métaboliser plus rapidement que d'autres, etc. Il y a des paramètres. D'accord? Il y a des facteurs. Mais ces facteurs vont dépendre de quoi? De l'âge. Très bien, c'est pas faux. De l'âge. Ça peut être du sexe. Donc, mais dans ce cas, quand on parle de métabolisation, d'accord? On a deux acteurs. L'organisme. Vous avez parlé de l'âge, on va dire le malade, le sujet. Mais de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a en face? Le médicament. Donc on va voir quels sont les facteurs, en fin de compte, qui font que... Pourquoi? Quels sont les facteurs qui font que la vitesse de métabolisation est plus probable pour l'un et peu pour l'autre? Vous allez vous rendre compte qu'on ne va pas parler de facteur par facteur. On va quand on va les étudier facteur par facteur, mais quand on les imbrique, ça va devenir un peu plus compliqué. Mais pour dégager le problème, on va les voir l'un après l'autre. Pour voir quelle est la conséquence. Donc en grand 3, c'est ça? Après introduction, aspect qualitatif, c'est l'aspect quantitatif. Donc vous notez dans l'aspect, c'est l'étude. C'est l'étude. L'aspect quantitatif. Donc c'est l'étude des facteurs. C'est l'étude des facteurs qui augmentent la vitesse. Qui influence. Les facteurs qui influencent la vitesse de métabolisation. Facteurs qui influencent la vitesse de métabolisation. On va commencer par d'abord le médicament. Qu'est-ce qui ferait que le médicament A serait plus métabolisé que le médicament B? Très bien. Ça lipo. C'est les propriétés physico-chimiques. Merci. Mais en premier, c'est quoi? C'est la liposolubilité. Puisqu'on avait dit, rappelez-vous du premier critère, pour qu'un médicament puisse se métaboliser, il faudrait qu'il arrive. Il se concentre au siège. Il faut qu'il arrive. Mais il faut qu'il arrive en quantité, c'est important. Il faut d'abord qu'il arrive. Mais pour arriver, une molécule liposoluble serait, je parle du conditionnel, j'ai pas dit et faites attention aux questions, serait, parce qu'on avait dit qu'une molécule pouvait arriver au site, et ressortir. Le deuxième critère, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'enzyme. Mais quand on se résume sur la première option, la première condition, on va dire tout simplement qu'une molécule liposoluble serait plus métabolisée qu'une molécule hydrosoluble. Alors qu'une molécule hydrosoluble ne serait pas métabolisée. Elle rentre A, elle sort A. Mais faites attention, une molécule A peut rentrer A et sortir A, ne dit pas systématiquement qu'elle est hydrosoluble. Elle peut être liposoluble, comme la mer. Elle peut être liposoluble, mais parce qu'elle n'a pas d'enzyme. On est bien d'accord? Oui. Donc on a parlé de liposolubilité. On parle de quoi? Qu'est-ce qui ferait qu'un médicament serait métabolisé plus rapidement qu'un autre? Concentration. Très bien. Votre camarade dit un mot clé. S'il subit le premier passage hépatique, c'est-à-dire que c'est quoi en fin de compte? Métabolique. La voix? C'est la voix? La voix, d'abord. La voix. Oui. Un médicament pris par voie orale serait subi un métabolisme par rapport à la voix. Il serait plus, parce qu'on parle de vitesse, il serait plus rapidement dégradé qu'un médicament pris par voie intravenée qui subit un passager hépatique secondaire. Mais celui qui va être métabolisé plus rapidement, c'est celui qui subit le premier passage. Pour subir le premier passage, c'est la voie orale. Il y a un autre caractère que je ne pense pas que vous avez trouvé. Pour qu'un médicament puisse être dégradé, on avait dit, il faut qu'il arrive au niveau du siège. En grande quantité. En grande quantité. Pour cela, il faudrait. La concentration, la dose. C'est pas une histoire de dose. La concentration doit être importante à ce niveau. On va parler de quantité, pas de concentration. La concentration, c'est des milligrammes par litre. Là, on parle de quantité. C'est la quantité qui va. La quantité de médicaments. Vous avez deux molécules, la molécule A va se concentrer au niveau du foie en quantité plus importante. Bon, on avait parlé de la liposolubilité, je suis d'accord. Mais il y a un autre facteur qui peut intervenir. Par rapport, c'est-à-dire, ne me donnez pas un mot s'il vous plaît, elle a parlé de transporteur. Transporteur. Très bien, c'est transport actif. C'est une molécule subit un mécanisme de passage par transport. Elle va se concentrer, le passage sera contre les gradients de concentration. Automatiquement, la concentration au niveau du site serait plus importante que la concentration. Donc, elle serait plus susceptible d'être métabolisée. On a dit que la vitesse, c'est quoi? C'est la quantité sur le temps. Donc, la vitesse est proportionnelle à la quantité. Plus la quantité est importante, plus la vitesse est grande. Donc, pour que la quantité soit importante, soit que le médicament soit liposoluble, soit qu'il passe par un contre gradient de concentration, c'est-à-dire un transport actif, soit que la voie d'administration est dans la voie orale, puisque la biodisponibilité au niveau hépatique, est plus importante que par voie. Je ne sais pas de la biodisponibilité, mais dans le compartiment sanguin. Mais par voie orale, la biodisponibilité hépatique, la quantité de médicaments qui arrivent du foie, est plus importante pour le médicament émis par voie orale que par voie. Donc vous notez. Facteur, on avait dit que c'est l'étude des facteurs qui influencent la vitesse de métabolisation. Donc ces facteurs dépendent de, comme il tirait au petit attendu, du médicament. Ces facteurs dépendent de quoi? Premier tiré du médicament. Quels sont ces facteurs? Propriété physico-chimique. Vous mettez entre parenthèses. Liposolubilité. Liposolubilité. On parle des facteurs inhérents liés au médicament. C'est ses propriétés physico-chimiques. Donc, sa liposolubilité. Deuxième tiré, mécanisme de. Non, mais... De transfert. Oui. Mécanisme de transfert. De passage, très bien. Mécanisme de passage. Et là, en parenthèse, le transport actif. Si on dit qu'un médicament. Parce que pourquoi? En supposant que dans la question, j'ai dit que le médicament subit un mode de diffusion facilité ou par transport passif. La quantité plasmatique et la quantité hépatique est la même. Par rapport à un médicament qui subit un transport actif. C'est une qui va s'établir plus rapidement. Actif, parce que la concentration est plus importante au niveau du site par rapport à la molécule B, où il y a eu un équilibre. Troisième élément, c'est la voie d'administration. La voie d'administration, et là, vous mettez entre parenthèses la voie orale, où là, vous mettez premier passage hépatique. Maintenant, les facteurs liés au malade. L'âge. Je sais que c'est pas faux, mais je le garde. Pour certains médicaments seulement, pour certains. La grossesse, à l'état physiologique. Le poids, non. L'état, le terrain sous-jacent. Un problème génétique. Et on peut regrouper ça en un seul, on va dire. Pardon ? Un terrain sous-jacent. Oui, mais on peut regrouper ça comme étant chez un malade qui a. Pardon ? Et l'hépatite du pathologie, ici, on appelle ça, je l'ai nommé en disant que c'est terrain sous-jacent. Je ne peux pas savoir si c'est terrain. Tu peux avoir un déficit enzymatique congénital, tu peux avoir un sérotique, tu peux avoir une sclérose, tu peux avoir n'importe une hépatite, n'importe toute pathologie hépatique, c'est-à-dire on a altéré l'usine. Et de ce fait, si on a d'autres usines, le reste va être bloqué. Vous parlez de l'âge. Je vais l'âge. Comment l'âge va-t-il intervenir dans la vitesse de métabolisation ? La maturation des enzymes. Oui, c'est-à-dire que chez le nouveau-né ou l'enfant, il y a une immaturité de l'équipement enzymatique et la vitesse de métabolisation. Sujet âgé. Et il y a des sujets âgés qui concassent mieux que vous et moi. Non, ça n'a rien à voir. Chez les sujets âgés, il y a un problème local qui est physiologique. Chez l'enfant, le nouveau-né, il y a une immaturité de l'équipement enzymatique. Et chez le sujet âgé. Quelle est la fonction qui est altérée physiologiquement avec le parent ? Ça ? Ça, c'est le risque quand il s'appelle, donc ça veut dire pathologique. C'est une fonction qui diminue physiologiquement. Le débit ? Pas le débit cardiaque. Ah, le débit d'hypperfusion à quel niveau ? Non, rénal. C'est que le glomérule perd de son élastique. Avec le temps, et ça veut dire, c'est pour cela que la clémence rénale chez le sujet âgé diminue. C'est pas tout, elle diminue physiologiquement chez tout le monde, avec l'âge, d'accord ? Comme chez le nouveau-né, il n'y a pas. Donc, vous avez dit l'âge, votre camarade dit grossesse. Pourquoi grossesse ? Les hormones, ça touche. Verbe, sujet, complément, faire, et nous relever. Hormones. J'ai dit des trucs, femme enceinte, hormones, c'est sûr que c'est lié avec les hormones. C'est pas le transport. Très bien, les enzymes de dégradation vont reconnaître plus facilement les molécules endogènes, parce qu'il y a une hyperproduction hormonale que les molécules. Qu'est-ce qui va se passer chez la femme enceinte ? Un risque ? Très bien, le médicament ne serait pas métabolisé, sa concentration plasmatique va augmenter, donc un risque de. C'est pour cela que le médicament, la posologie chez la femme enceinte doit être revue à la baisse. Donc vous notez, facteur lié au sujet, au malade. Vous avez l'âge. Votre camarade dit le sexe, je ne suis pas contre, je l'ai noté, mais dans le sexe, c'est le cycle hormonal chez la femme qui est différent de chez lui, de l'homme. Et là, il y a des interactions qui interviennent, donc c'est pas faux. Donc il y a l'âge, il y a la grossesse, ça c'est important, et il y a le terrain sous-jacent. Et dans le terrain sous-jacent, il y a quoi ? En parenthèse, le déficit enzymatique congénital ou de la tête hépatique. Carrément. L'âge, pour ne pas oublier, s'il vous plaît, vous pouvez être en parenthèse dans l'âge, qu'est-ce qu'on avait dit ? Immaturité. Pour le nouveau-né. Dans la grossesse, le mot-clé. Endogène. Compétition. Hormones et molécules exogènes. Et terrain sous-jacent, j'ai dit déficit enzymatique ou pas. Tout à fait. Hépatique. Que ce soit une hépatite, que ce soit une cirrhose, une stéatose, tout dysfonctionnement hépatique. Je vais. Thank you. Je vais vous citer un exemple, tout simplement. On aura l'occasion d'en parler. Je saute sur l'occasion sur le déficit enzymatique congénital. D'accord ? Il y a le déficit enzymatique congénital. Il y a parfois des enzymes qui sont sous le commandement génétique. Exemple, je parlais tout à l'heure de l'acétylation. L'acétylation est sous commandement génétique. Et tout dépend de la race. Il y a ce qu'on appelle, à l'heure actuelle, on le verra, le polymorphisme génétique. Certains sujets, j'ai parlé de la cytochrome la dernière fois, de la cytochrome P450, il y a plusieurs cytochromes. Il y en a à peu près une centaine. La plus importante, c'est la AE1. Chez nous. Mais certains ne disposent pas de la même. On a la cytochrome, mais les sous-groupes de polymorphisme n'est pas le même. Dans le cas de l'acétylation, on a des acétyleurs qu'on appelle lents et des acétyleurs rapides. Une molécule qui est dégradée par l'acétylation, c'est l'INH, l'isoniazide. L'isoniazide est donné dans le traitement de la tuberculose. D'accord ? La trithérapie de la tuberculose. Mais il faut faire attention, l'isoniazide est hépatotoxique. Et malheureusement, quand on la donne, on ne sait pas, parce qu'on ne connaît pas la cartographie génétique, il est dit que chez nous, dans la race blanche, il y a 60% d'acétyleurs blancs et 40% d'acétyleurs rapides. On ne peut pas faire. La différence n'est pas très importante. Quand on donne un traitement à des mêmes posologies, qu'est-ce qui se passe? On essaie d'imaginer, hein, c'est un petit TD ensemble. Vous donnez un traitement à un malade, quel est le risque? Il est sous donc, il présente une tuberculose, vous l'avez mis sous traitement selon le schéma thérapeutique consensuel, c'est ça le schéma. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui peut se passer? Sans que le malade se porte bien. On fait l'évaluation dans les traçages BK, le bassin de corps, il n'y a rien du tout, ça évolue correctement. Maintenant, quand c'est une tuberculose qui est extra-pulmonaire, ça pose beaucoup de choses. Quand elle est ganglionnaire, on ne peut pas facilement avoir ce type de prélèvement. Donc, vous avez donné le traitement. Je dis bien que le malade peut évoluer correctement. On écarte cette possibilité. Vous pouvez avoir deux cas de figure. En supposant que vous avez un malade qui est acétyleur rapide, qu'est-ce qui va se passer? L'acétylation désactive la molécule. Mm-hmm. Qu'est-ce qui va se passer? Non, pas d'effet, enfin, pas de problème. Non. Il n'y a pas d'évolution. Là, pas d'évolution, non. On va dire que... T'es trop bien argité. Pardon ? T'es trop bien argité. Non, nous sommes sur le truc. On est d'abord sur le plan clinique. Sur le plan thérapeutique. Si le médicament, restez logique avec vous-même, s'il vous plaît. Vous avez donné le médicament, et que ce médicament, parce que vous avez affaire à un sujet qui est acétyleur rapide, c'est-à-dire que c'est un, je vais mettre entre guillemets, un désactiveur rapide. C'est ça ? Le médicament devient inefficace rapidement. Donc sur le plan d'évolution, la durée du traitement, elle est longue. Donc elle va se faire trop lentement. Normalement, qui nécessite quoi? Normalement, si on savait qu'on avait affaire à un acétyleur rapide, on augmente la posologie. Très bien. La logique, puisque j'ai donné 10 molécules, dans mes 10 molécules, 6 ont été désactivées. Il reste que 4. Donc, je suis censé, si je connais, j'aurais dû augmenter la posologie par rapport à quoi? Par rapport à un sujet qui est acétyleur lent. Un acétyleur lent, il dégrade. Quoi, un acétyleur lent? C'est-à-dire qu'au lieu de casser 6, il ne casse que 4, il garde 6. Mais on n'est jamais ici. Voilà, on ne peut pas. Comment la question? C'est sur le plan d'effet, merci. On va faire ce que vous. Soit que l'un, j'ai dit, on écarte la possibilité. On va y revenir, là, c'est pour vous donner une petite image, tout simplement. Donc on peut écarter le fait que mon malade évolue bien. Mais je peux avoir deux cas de figure. Soit que mon malade n'évolue pas, maintenant. Et s'il n'évolue pas bien, ce que j'ai dû faire, soit que j'ai une résistance, ma première réflexion, c'est la résistance à mon traitement, c'est des antibiotiques. D'accord ? Il fait un pécard résistant. On est bien d'accord ? Soit que c'est un acétylol qui est rapide. Donc, deuxième cas de figure, qu'est-ce que sur le plan des vies, je vais observer quoi ? Problème hépatique. C'est pas faux. Aggravation de la maladie. Non, c'est un acétylol. Bon, donc mon médicament est là. Bon, il y a efficacité. Mais qu'est-ce qui va prédominer le risque ? C'est des effets secondaires qui vont prendre dessus sur les effets primaires. Parce qu'ils dégradent lentement. Bien. Automatiquement, indirectement, on va avoir un risque de surdosage. Surcharge. La dose, la posologie est normale par rapport, sauf que il n'y a pas, le métabolisme se fait très lentement, qui va entraîner automatiquement la casse à la vitesse voulue, automatiquement il va y avoir un cumul. Et le cumul, la statique est appelée surcharge. On est d'accord ou pas ? Ça c'est un minage, on va revoir ça au milieu. Je vais vous expliquer que parfois, le polymorphisme génétique pose des problèmes en thérapie. Oui. Donc, on va arriver à ce que l'acétylation est réversible. Le médicament, une fois acétylé, il est désactivé. C'est une forme de détoxification. Sauf qu'elle n'est pas, non seulement j'ai dit que l'acétylation, vous avez désactivé la molécule, mais vous avez donné naissance à une molécule intermédiaire qui est liposoluble. Et qui est éliminée, surtout que le niveau a augmenté, sans pour autant être efficace, et sans pour autant oublier ce qu'a dit votre camarade, il y a également des risques de perturbation hépatique par le blocage du système énergétique, etc. Facteurs liés aux médicaments, facteurs liés au sujet. Et maintenant, on va citer deux facteurs qui sont imbriqués l'une dans l'autre. On les appelle les facteurs extrinsèques. Les facteurs extrinsèques, je mets deux mots. J'ai mis l'état nutritionnel et j'ai mis le sédentarisme. Comment l'état nutritionnel va-t-il affecter la vitesse de métabolisation des médicaments ? On a parlé de la matrice tout à l'heure, des apports. Très bien, le mot-clé, c'est la matrice. Donc, il va affecter plutôt la phase 2. La phase 2. En rapport avec son apport alimentaire. Généralement, un sujet qui est équilibré sur le plan d'apport nutritionnel possède une meilleure matrice qu'un sujet qui est mal nutri. Et un sujet mal nutri, n'ayant pas de matrice, va affecter plutôt la phase 2. Quand je mets sédentarisme, vous savez ce que c'est un sédentaire ? C'est quelqu'un qui ne bouge pas. C'est l'opposé d'un sujet actif. Comment le sédentarisme ? Un sédentaire, c'est quelqu'un qui ne bouge pas. Il ne faut pas qu'on dérange un obèse. Ah, ce n'est pas obligatoirement un obèse. Hein. Ça peut être un obèse. Et c'est pour cela que vous verrez souvent dans les recommandations de certaines maladies chroniques. On demande quoi ? Faire du sport, faire de la marche, de la route, du diabète. Parce que ça permet non seulement d'éliminer tous les déchets qui en propre de métabolisme hépatique. Et le sédentarisme va faire quoi ? Va affecter quoi ? La phase 1 ou 2 ? La phase 1. La phase 1. Parce que la phase 1 est active grâce à l'oxygène. Elle n'affecte pas la phase 2, mais elle affecte plutôt la phase 1. Donc dans les facteurs extrinsèques, vous mettez l'état nutritionnel. L'activité. D'accord ? L'état nutritionnel, donc, si vous mettez état nutritionnel, il est en rapport avec la matrice, donc avec la phase et qui influence la phase 2. Alors que le sédentarisme c'est pour qu'on soit clair, parce que je profite de l'occasion, mon camarade, la déshydratation dans l'état nutritionnel. On peut prendre un sujet très simple, un sujet âgé. Vous constatez que, je ne sais pas si vous avez fait attention, que vos grands-parents, d'accord, il y a un problème qui se pose, c'est un pseudo. D'accord. Et le fait de prendre un des problèmes sur le sujet âgé, le fait de prendre deux dos va affecter quoi ? Le compartiment. Et de ce fait, il va affecter la distribution du transport. Et le transport. Et s'il y a une mauvaise distribution, il y aura quoi ? Le médicament n'est pas distribué très bien, normalement, il y a un risque d'accumulation du médicament. Une surcharge, je vais donner plusieurs exemples. Mais j'ai cité l'exemple de la nutrition, j'ai voulu vous dire beaucoup plus, je voulais vous montrer que quelqu'un qui a un régime équilibré métaboliserait mieux et présenterait moins d'effets secondaires qu'un sujet mal nutri. Là, j'ai donné l'exemple de la déshydratation. Quant au sédentarisme, on dit qu'il affecte beaucoup donc, la phase 1, 2, métabolisation. Plus le sujet est actif, plus le métabolisme est rapide. C'est un mécanisme dans le sport, est un mécanisme de détoxification. Ne serait-ce que par la transpiration. C'est pas la peine de noter ce paramètre. On en parlera en long et en large, parce qu'il y a tout un cours sur les interactions. Je l'ai introduit ici parce que souvent, on parle de choses parfois qu'on ne maîtrise pas. Gaël, il ne faudrait pas prendre des antibiotiques avec de l'huile d'olive. Quelqu'un qui prend de l'huile d'olive, alors il ne faut pas prendre des antibiotiques. Parce que ça neutralise les antibiotiques, c'est faux. Ça n'a rien à voir avec neutralisme. L'huile d'olive n'arrive pas au niveau des récepteurs. D'accord ? Ce qui peut modifier certains antibiotiques très bien, c'est la résorption. Certains antibiotiques vont se solubiliser avec l'huile d'olive, au lieu d'être absorbés, ils seront rejetés. Donc la CMI, la concentration minimale, ne sera pas à perte, donc on aura l'échec. Donc il n'y a pas que les antibiotiques, il y a d'autres. On en a également démontré que certains jus, tels que le jus de pamplemousse, peut également affecter l'activité de certains médicaments. Mais il peut exalter, augmenter les protéines. Là, on va en parler dans l'un des interactions, sauf qu'il faudrait retenir que dans certains cas, certains médicaments sont ce qu'on appelle inducteurs et d'autres inhibiteurs. Un inducteur verra, n'oubliez pas, qu'un des mécanismes, si vous arrivez à l'étranger, c'est que c'est une molécule qui augmente la vitesse de métabolisation, alors que l'inhibiteur, c'est nul. Là, on va le voir dans un cours à part. C'est tout simplement parmi les facteurs qui modifient la vitesse de métabolisation, c'est les interactions. Mais là, je voudrais que vous répondiez, c'est important, quand vous aurez connaissance, quand vous aurez sur le plan de métabolisme, quand vous avez connaissance de deux molécules qui peuvent interagir entre eux. Et qu'on n'a pas le choix. Qu'est-ce que vous faites ? La voix, rappelez-vous, dans les critères de choix d'une voie d'administration, quand il y a des interactions, si je sais que c'est des médicaments qui peuvent interagir au niveau de l'absorption ou là au niveau hépatique, et bien tout simplement, je prends un médicament par voie orale, il peut subir le premier passage hépatique, et l'autre je le donne par voie intramusculaire ou intraveineuse, c'est-à-dire qu'il ne passe pas en même temps au niveau hépatique. Pour éviter le risque. D'accord. C'est des critères de choix, chose qu'on a déjà vu, critères de choix de voie d'administration. Là, c'est pour diminuer le risque d'interaction. termine. Je vous ai toujours dit, c'est pas la peine de prendre ce qu'il y a sur la planche, il n'y a rien à... Il n'y a pas photo à côté, que j'ai dicté. C'est que vous, en tant que futur thérapeute, que peut vous apporter la connaissance du métabolisme des médicaments? Si demain, vous savez qu'un médicament va être métabolisé, comme ça, on a répondu déjà à la première question, il y a un risque d'interaction. S'il y a un risque d'interaction, je change de voie. Ça, c'est ça. Mais ce qui est un peu embêtant, vous devez faire attention, c'est sa biodisponibilité. Deuxièmement, c'est son temps de midi. Et troisièmement, on revient, on va terminer la cinétique, c'est son métabolisme. Maintenant, que vous sachiez que le métabolite est inactif, aussi actif ou très toxique, votre attitude serait quoi? Quelle est la différence pour vous? Les deux. À quel moment? Vous avez trois cas de figure. Dans les trois cas de figure, votre attitude serait totalement différente. Oui. Elle peut vous expliquer quoi? La dose. Enfin, la dose. S'il est aussi actif, donc on n'a pas à. On va commencer par l'élément le plus simple. Je sais que lorsqu'il se dégrade, il donne naissance à un métabolite inactif. La molécule est active. Donc, vous, en tant que thérapeute, la posologie doit être importante, ça ne vous dérange pas. Oui. Ça ne vous dérange pas par rapport si vous avez affaire à un métabolite qui est aussi actif. La posologie doit être comment? Elle doit être plus faible. Elle doit être plus faible. Pourquoi? Parce que non seulement vous avez l'effet du médicament, mais l'effet de métabolite, effet de 1 plus effet de 2. Donc les posologies doivent être plus faibles. Et là, rappelez-vous, on a parlé d'un cas de figure, je vous ai dit qu'on va le revoir. Quand vous avez un médicament qui a un temps de demi-vie long et un effet court, c'est une preuve. On inverse les choses. C'est un temps de demi-vie qui est court, mais l'effet dure longtemps. C'est que les métabolites sont actifs. Les métabolites sont actifs. Le médicament a un métabolite qui est aussi actif. Et là, les posologies vont être. Cette fois, vous avez affaire à un métabolite comme médicament qui est liste 1 toxique. Parce qu'il génère, parce qu'il donne naissance à un métabolite toxique. Je vais faire attention. La voie d'administration? La voie d'administration, non. Le terrain sous-jacent. Pardon ? Le terrain sous-jacent. Très bien, vous devez faire attention au terrain sous-jacent. Faites attention de quel type de métabolite, quel type d'altère. Et c'est ça la différence des proscriptions. Si le médicament altère les globules rouges, il devient hématotoxique, il faut faire attention. D'accord ? Maintenant, s'il est hépatotoxique, il faut éviter de le donner par voie orale. On ne peut pas fabriquer des métabolites, etc. Donc la connaissance vont vous orienter sur les doses, les posologies, mais également sur les indications et les contre-indications. On est d'accord? En dernier, bon ben je vais éviter, parfois on prescrit un médicament qui n'a rien à voir avec la pathologie. Mais ce médicament a un rôle au niveau du métabolisme. On donne, j'ai donné l'exemple, on va voir d'autres exemples dans certaines pathologies hormonales, on donne du gardénal, et le gardénal est un anti-épileptique dans les crises d'épilepsie. Et on le donne chez un enfant qui présente un ictère. Tamponner les effets secondaires. Pour augmenter. Activation de quoi ? Un adjuvant. Pas un adjuvant, c'est un médicament. Activation des métabolites. Il va activer quoi ? C'est ce qu'on appelle un inducteur. Revenez marche arrière. Vous allez trouver la réponse. Le sujet, le nouveau-né a un ictère. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il a un problème de quoi ? Ah, les enzymes sont immatures. Il n'a pas su. Non, le problème, c'est pas faux ce que vous dites. D'accord. Un problème de quoi ? De conjugaison. Donc le gardénal va faire quoi ? Il va induire la conjugaison. Parce qu'il a, il a un blocage, il a un déficit. Mm-hmm. Il en a, mais c'est physiologiquement, c'est pas une phase qui fonctionne systématiquement. Le gardénal étant un inducteur, et bien, il va tout simplement stimuler la phase 2. En stimulant la phase 2, il va conjuguer la bilirubine et de ce fait, il va résorber. Parce qu'on sait, sur le plan métabolisme, on a compris que cette molécule est inductrice. Si elle induit, elle induit le métabolisme et tous les enzymes. C'est-à-dire qu'elle va stimuler. Entre autres, elle a stimulé indirectement, et ça on le voit dans le traitement en urserie, en donne du gardénal, alors que l'enfant, on se pose la question, l'enfant n'a pas convulsé. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, pour résorber l'ictère, pour conjuguer, tout simplement, la bilirubine. Ceci a été connu parce qu'on a maîtrisé le métabolisme. Ça peut apporter des choses, mais vous verrez également, dans les interactions, qu'il y a d'autres domaines. Quand on sait qu'un médicament agit sur le plan hépatique de telle ou telle façon, elle peut être un support au traitement et non un schéma thérapeutique. Un support. Elle peut aider, mais elle n'intervient pas de par une molécule active. Ne me dites pas, s'il vous plaît, comme a dit votre camarade, c'est un adjuvant. C'est pas un adjuvant. C'est une thérapie. D'accord ? Donc vous notez la connaissance. Quel est l'intérêt de la connaissance du métabolisme ? Intérêt de la connaissance du métabolisme permet d'identifier le risque. Et de réguler les posologies permet d'identifier les risques. Elle permet également de nous expliquer des traitements spécifiques lors d'un dysfonctionnement physiologique. Exemple, le gardénal, entre parenthèses, exemple, le gardénal anti-épileptique, administré chez le nouveau-né ictérique. Gardénal anti-épileptique administré. Administré chez un enfant ictérique. va terminer avec cette diapo, tout simplement pour vous dire qu'il y a beaucoup d'interrogations, qu'on ne peut pas dire que pour comprendre le métabolisme, il faut faire ça, ça, ça, et que le métabolisme d'un médicament peut influencer plusieurs paramètres et que c'est une étape importante auquel vous devez faire attention. Je vous remercie. Merci. Merci.